Et les croyants diront : Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ? Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants.